Voilà. Nous, on s'est pas réveillé depuis 15 jours, on est là tout le temps en fait, depuis un an. Parce que là, il y a des gens qui se réveillent depuis 15 jours. Bon, allez, on va arrêter là. On va arrêter les réactions. Donc du coup, on n'a rien à voir avec la manif qui va se passer tout à l'heure. Bon, déjà, ça c'est pour la précision, mais on va commencer notre atelier. Oui, il y a une manifestation apparemment prévue. Je sais pas, contre un truc qui s'appelle le FN, il me semble. Un truc là qui monopolise un peu trop l'attention ces derniers temps. Beaucoup d'ironie, bien sûr. Donc, du coup, debout éducation populaire, ça fait depuis... Oula! Juillet qu'on a commencé cet atelier, juillet dernier. Juillet-août dernier. L'atelier, donc quelle société veut-on? On n'a pas l'affiche aujourd'hui, mais c'est pas bien grave. C'est accessoire. Donc en fait, le but de cet atelier, c'est de travailler ensemble sur une société idéale et utopique. Et donc, on a voulu en fait le faire avec vous, on l'a construit avec vous. On était là l'été, on était là à la rentrée, on était là l'hiver, on était là à peu près tout le temps. Là, on s'est pris 15 jours de vacances quand même, parce qu'il faut pas déconner. Et on a pris un peu de repos, donc on est en pleine forme, comme atteste cette espèce de monologue qui n'a ni queue ni tête que je suis en train de faire. Et donc, du coup, on va commencer cet atelier. On a parlé du commerce international il y a 15 jours pendant la foire des éducations populaires, où on avait un grand soleil, c'était magnifique. On a passé 2 jours à faire de l'éducation populaire, c'était vraiment sympathique. On remercie encore tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ont participé. Et donc, on a parlé du commerce international un dimanche. Il était à peu près vers minuit, minuit et demi. Tout le monde cherchait de l'ombre et on était en train de manger. Je me rappelle de tout ça. Je me rappelle plus ce qu'on s'est dit, par contre. Donc, c'est la transition pour la fameuse lecture du CR. Alors, vous allez voir, il y a un peu de changement parce que pour une fois, c'est une autre personne qui a fait le CR que la personne de d'habitude. Et donc, encore une fois, en fait, je vais lire un truc que je n'ai pas lu avant. Donc, ça va être assez rock'n'roll. D'ailleurs, on remercie la personne qui a fait ce CR et qui n'est pas présente parmi nous. Et en plus, je me suis gouré en faisant le recto verso, donc ça va être assez chiant. Alors, donc, on a parlé du commerce international, c'était la session 28, donc ça fait 28 ateliers, c'est ouf. De quoi on a parlé? Alors, on a parlé de transparence dans la production des produits, notamment alimentaires, et des appellations. Problème d'un accès complexe aux informations sur la production, on ne sait pas d'où viennent les produits. Il existe des lois, mais elles ne sont pas toujours drastiques et beaucoup de contournements sont mis en place. Par exemple, on trouvera une indication France sur le jambon, mais on ne peut pas savoir s'il a été transformé en France. Beaucoup d'indications ne disent rien sur la traçabilité. L'indication sur la zone de production ne garantit pas la provenance. Exemple, si DE est égal à Allemagne, mais le bovin peut provenir du Périgord. Donc je rappelle, on a fait ça pendant l'heure de repas. Division entre ceux qui pensent que les appellations type foie gras du Périgord, je sais pas, on a bugué sur le Périgord il y a 15 jours, c'était les vacances, n'empêchent pas des pays étrangers de les acheter et de les utiliser, et qu'il faudrait dans l'idéal une norme internationale pour protéger ces appellations. Ou au contraire, d'autres estiment que ces appellations comme AOP, AOC et IGP, indications géographiques protégées, peuvent protéger le pays producteur d'origine contre les imitations. Par exemple, s'il est indiqué foie gras périgourdin, il ne peut pas être produit ailleurs. Un petit coucou à Écologie Debout sur le foie gras périgourdin. Une troisième voix pense que les appellations protégées sont là surtout pour des raisons nationalistes et qu'il faudrait faire sauter des marques déposées comme... Hop. Comme ça, tout le monde pourrait produire son gamay, je ne sais pas ce que c'est, son camembert. Le plus grand bénéficiaire de l'appellation Roquefort est Carrefour. Ah oui, ça c'était une surprise quand on a appris ça. Alors, on dénonce aussi un problème de commercialisation des cultures culinaires et autres, lié au fait que les gens veulent diversifier les goûts, avoir un peu d'exotisme. Une demande qui pousse la course aux appellations. CF, les plats Marie qui proposent plus de 100 plats avec un poulet basquaise à partir d'un poulet qui vient du Mexique. Super. L'alimentation donne lieu à beaucoup de business, de corruption et de lobbying. Par exemple, à Rungis, le producteur qui ne touchera quasiment rien des légumes qu'il aura produits contre le grossiste qui les revendra aux commerçants. Ou encore le yaourt transnational, du lait transformé au Maroc puis envoyé en Chine. Cette multitude de lieux n'est pas au profit du consommateur au final. Et les traités transatlantiques dont personne ne veut ne vont rien arranger. Autre exemple de confusion organisée, on a voulu créer un système de couleurs simples sur l'étiquetage pour se repérer. Or, tout a été fait pour que ça soit plus complexe afin de pouvoir vendre n'importe quoi. Une des conséquences néfastes est que ça nous oblige à calculer, comparer, voir où on y gagne, ce qui déforme l'esprit. On ne devrait pas avoir à choisir entre une marque vs une autre, mais privilégier la qualité. C'est de plus en plus difficile car beaucoup de choses se développent avec le courant du bio, les AMAP notamment. Si on compare sans s'interroger sur l'histoire du producteur, on reste dévoyé. Ça c'était un témoignage. J'ai participé à la création d'une AMAP et j'ai demandé au producteur ce qu'il se passe s'il tombe malade. Et ça sera sa femme qui devrait faire 80 heures par semaine. Donc si c'est pour qu'ils deviennent des machines, je préfère manger chimique. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je sais. Ça je m'en rappelle. Ce n'est pas qu'une question concernant l'acheteur, le vendeur, le producteur. Il faut se poser la question des relations entre nous et la planète. Voir comment développer la diversité, s'interroger sur ce que je fais quand je choisis, quels sont mes critères, sont-ils financiers, humains. Dans l'idéal, il faudrait que ce domaine de l'alimentation soit protégé, qu'il y ait une séparation claire entre la production, la distribution et les lobbies députés européens. Je ne sais pas si on peut les mettre dans les lobbies, j'en sais rien, mais pourquoi pas. Sûrement d'ailleurs. Une question se pose sur comment découvrir, acheter un super produit indien, par exemple, sans passer par ces gros intermédiaires, sans passer par Carrefour, par exemple. Merci. J'ai besoin d'une assistante. Alors, oula merde, c'est quoi ce bordel ? Attends, tu peux me donner la fin, du coup ? Parce que j'ai peut-être... Ouais. Voilà, la feuille était à l'envers. Le commerce international intéresse car il est monopolisé par des grosses entreprises qui centralisent l'information. Tout passe en réseau fermé. Revoir les conditions de production des objets nécessitant des métaux précieux et limiter nos besoins en outils numériques, informatiques, plus de normes écologiques et sociales internationales. Et moins de vent, s'il vous plaît. C'est très complexe le commerce international. Il suffit de voir ce qui se passe pour la production des matières premières pour les outils informatifs comme le coltan, une terre rare au Congo ou le lithium nécessaire pour les batteries. C'est inévitable de les extraire ailleurs qu'en Afrique, je suppose. On pourrait produire quelques terres rares, métaux rares en France, mais on ne le fait pas car cela implique d'énormes recherches et destructions et beaucoup de pollution. Donc pas de souci de ne pas polluer, on passe en Afrique ou en Chine pour le faire. C'est bien évidemment ironique. Il y a d'autre part une surexploitation et des stocks faits pour prévoir en cas de pénurie. Dans la société idéale, on aurait beaucoup d'objets électriques sauf pour sauver des vies. Non, c'était le contraire en fait. On aurait moins d'objets électriques sauf pour sauver des vies. La télévision ne sert à rien, le portable en faisait avant 100. Il y a peut-être des alternatives car les conditions de production, d'extraction de ces métaux sont terribles. On avait eu l'idée d'un lieu pour partager les ressources, exemple téléphone, ordinateur, pour créer du lien, échanger des savoirs, créer des plateformes communes pour éviter que chacun veuille avoir son téléphone, son ordinateur. Je fais un rappel sur Bolloré qui a rejeté des trains dans ces pays pauvres sans les entretenir, ce qui aboutit à un accident. Oui, on n'a pas été Bolloré, effectivement, parce qu'il y avait une marche le dimanche, l'après-midi. Il faudrait surtout plus de normes écologiques et sociales, l'interdiction de travailler avant 18 ans, les 35 heures, les mêmes règles que pour nous, donc partout. Les mêmes règles partout en fait, s'il faut des règles. Dans la société idéale, peut-on se passer du commerce international ? C'est une chose qu'on s'était posée comme une question qu'on s'était posée. Peut-être que dans l'idéal, il ne faudrait pas de commerce international, point d'interrogation. Afin d'éviter, par exemple, d'avoir une entreprise comme Doc Martens, créée par des médecins en Angleterre, détenus par des fonds de pension américains actuellement, qui est un symbole parenthèse. On ne devrait pas arriver à ce que les savoir-faire... puissent être rachetés par tel ou tel groupe. Il n'y aurait du coup pas de mise en concurrence, mais juste des échanges commerciaux, des partages de savoir. Un système sans douane, sans taxes, sans normes. Alors ça, pareil, c'est des témoignages. Je ne suis pas pour l'arrêt car ça régit toutes les productions et pose la question des ressources nécessaires pour du matériel médical par exemple. Le lithium fait 80% d'un pacemaker par exemple, mais ça serait aussi embêtant de se couper des herbes médicinales. C'est plus un problème de normes au niveau des pays, de faire des normes qui soient plus basées sur le respect, l'équilibre entre les parties, pouvoir faire des échanges selon ses besoins, lancer des accords basés sur les besoins de la population, basés sur un principe de développement à long terme. Il faudrait avoir un niveau technologique plus équilibré pour avoir un commerce plus équitable, respectueux. Aujourd'hui, chacun produit n'importe comment pour produire moins cher et vendre de façon rentable. Souvent d'autres qui capitalisent sur ce qui est fait, pas d'autres qui sont moins payés, par d'autres qui sont moins payés. Et on a d'énormes problèmes de déplacement des populations liés à la compétition entre les gens, les territoires. Besoin d'une vision à long terme pour un commerce plus équitable et durable. Donc c'est une autre partie qu'on avait vue. C'est surtout le commerce sous sa forme actuelle qui pose problème car ce qui est commercial est financier. Il y a toujours eu du commerce, du troc, dont l'objectif est d'être plus équitable pour que les uns ne s'enrichissent pas en ruinant les autres. Se méfier de la référence au passé, par exemple sur le nucléaire, ne pas l'opposer à la bougie. Mais il y a beaucoup de choses entre les deux. Par exemple, dans les matières à consommer, il y a 50% de culturel et 50% de ce qu'on mange. Important de bien digérer mentalement ce qu'on mange. Très bien, il faudra qu'on me réexplique le truc de ça. On n'est pas obligé de vivre tous pareil, chacun peut consommer en fonction de son territoire. La question à se poser est de quoi j'ai besoin physiquement et mentalement. Sur le CI, on a besoin de s'identifier à une vision, de se projeter sur comment le CI, le commerce international du coup, fonctionne après. On est plus en capacité d'imaginer d'autres échanges. Un des soucis principaux du commerce international, c'est la dépendance, l'affaiblissement des populations du fait de la pollution, par exemple. Plein de pays en Afrique, par exemple, arrivent à subvenir à leurs besoins en produisant du mil et du sorgho. Je ne sais pas si c'est du mil ou du miel, je ne sais pas trop. Du mil, jusqu'à ce qu'on arrive... pour cultiver des céréales, ce qui aboutit à la famine et la désertification dans plein de zones. Il faudrait fabriquer les choses de manière plus durable, de façon à éviter l'obsolescence programmée. Idem pour l'agriculture, il existe d'autres modes de production plus durables, tels que la permaculture. Il faut apprendre à vivre notre société autrement, reprendre des modes de production et de fabrication plus anciens. Certains échanges devraient échapper au commerce. Tout ce qui a trait aux premiers besoins, nourriture, toit, livres, il faudrait que certaines choses soient hors concurrence. Il y a trop de monde dans la survie. Problème de laboratoires pharmaceutiques qui empêchent de pouvoir utiliser des plantes médicinales, alors que donc on a parlé du scandale du Mediator. Par exemple, il y a des antibiotiques dans la moisissure de pain, de la quinine dans le saule. Sur les médicaments, on ne peut se passer de chimiothérapie, plein de gens dans la rue qui sont morts de ne pouvoir être soignés. Problème de la nécessité de l'outil. Plus on en a besoin, plus c'est cher, très souvent. D'une chose utile et accessible pour tous, on en fait un outil de luxe. Il est nécessaire de se nourrir, se soigner, se loger, et c'est souvent les trois fers de lance commerciaux qui correspondent aux premiers besoins. C'est nécessaire d'avoir de l'argent pour assurer ces trois principes. Alors, quand on passe des accords avec d'autres pays, ce sont des engagements qui devraient être discutés tous ensemble. Des agriculteurs qui se sont engagés via les accords passés avec l'Europe, idem pour le CETA, le TAFTA, nous nous engageons collectivement vis-à-vis de l'Europe, du Canada, et ça devrait être discuté, débattu, ou carrément annulé. Hein. Bref, ça c'est mon avis. 11 milliards d'habitants, alors qu'on est 6 milliards. Il y a des problèmes de famine dans des soucis en Inde qui sont liés à la distribution et pas à la production. Il y aurait une famine en 1905 avec 1 million de morts alors qu'on exportait plus d'un million de tonnes de riz et a emporté 80% de ses tissus. Ça montre le mécanisme du commerce international qui a peu changé. Sur l'industrialisation de l'Afrique, on parle beaucoup d'innovation alors que les problématiques surpassent à plus trait au développement des technologies intermédiaires. Ça serait plus utile de produire des trucs simples que des trucs super innovants. Il y a un grand manque de volonté politique générale. Je trouve ça trop mignon, je sais pas ce que ça fout au milieu de ça, mais... Les trois quarts des brevets inventés par les Africains, mais qui n'en voient pas la couleur. Il y a un souci d'accès aux ressources, par exemple l'accès à l'eau en Afrique, mais les États sont rongés par la corruption, l'accaparation des biens. Au Kenya, par exemple, il y a 276 jeunes qui meurent chaque jour de l'extraction du rubis. Idem au Laos, au Pérou, en Honduras, au Mexique, des jeunes gagnent leur vie en ramassant des matériaux. Il y a des accords commerciaux qui sont des contrats esclavagistes. L'accord commercial est la face visible de l'iceberg. Autre exemple, à Madagascar, un des plus grands gisements de terres rares, de minerais, 50% va à la France, 50% à la Chine, donc zéro chance de développement. À la dépendance, dans les années 60, il y a un accord commercial qui exigeait que Mada paye un impôt à la France jusqu'en 2010, qui a été prolongé suite au coup d'état du maire de Tana, qui est venu en France pour avoir l'appui de l'État français. Autour de Mada, des îles n'ont pas été rendues à Mada et beaucoup de ces gisements et de ces îles exploitées par la France. Je crois que ça, c'était un témoignage d'une personne. Beaucoup d'initiatives intéressantes, comme le jeune de Garges-lès-Gonesse qui a inventé le point d'interrogation. Alors, il y a un truc électrique, mais là, la preneuse de notes s'est perdue. Qui habite encore là-bas en HLM et reverse les bénéfices à la maison de quartier. Voilà, on a parlé plein de choses. On a donné beaucoup d'exemples. Et je me suis battu avec le vent. Donc je rends le micro au modérateur, de je ne sais pas qui c'est. Voilà. On est au modérateur qui vient de s'auto-déclarer. Bon, ok, je me dévoue pour aujourd'hui. Vas-y, passe les feuilles comme ça, je relancerai par moment si besoin. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer déjà ? Par dire quelque chose là-dessus. Ouais, c'est compliqué. Moi, en tout cas, je vais essayer de lancer vite fait. Ce qui m'avait marqué pendant cette séance, c'est vraiment le truc déjà lié aux nouvelles technologies, parce que c'est les nouvelles technologies qui engendrent le commerce international. Enfin, non. Le commerce international existait déjà, mais on va dire que les nouvelles technologies et les réseaux qui se sont formés de plus en plus grands augmentent le commerce international. Et nous, aujourd'hui, on parle de vouloir un peu récupérer tout ça, de faire des commerces plus locaux. Et voilà, et ça pose des problèmes, comme on disait, pour le développement des produits électroniques, les nouvelles technologies. C'est très compliqué de faire ça à petite échelle chez nous directement. Donc voilà, moi en tout cas, ce que j'ai noté, c'est que c'était vraiment... on est tellement dépendant de ça aujourd'hui dans notre vie que c'est très compliqué de voir la vie sans ces produits-là. Et du coup... de voir le monde avec une production à échelle locale pour créer ce genre de produit paraît très compliqué. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué, parce que même nous, en tant que Debout EducPop, entre nous, on communique par mail, on a une page Facebook, on a tous ces trucs-là. Et ça alimente tout ce truc qu'on dénonce nous-mêmes, en fait. Donc, c'est un peu... C'est très compliqué en fait de se positionner par rapport à ça. Donc voilà, moi je c'est ce qui m'avait marqué. Après voilà, est-ce que quelqu'un veut témoigner, veut faire un petit une petite intervention? Ouais, du coup je vais reparler. C'est vrai que je me rappelle. Alors on est toujours dans la il y a pas longtemps. Le mot contradiction est revenu un petit peu sur, je sais pas, autour de moi. Et comment vivre avec ces contradictions. C'est peut-être pas ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans la société idéale. Est-ce que dans la société idéale, il y aura moins de contradictions? En tout cas, je l'espère. Moi, en fait, ce que je voulais dire, J'ai assisté à un spectacle qui est en deux parties, qui s'appelle Kyoto Forever, qui était très intéressant. En fait, c'est un groupe de comédiens qui ont fait un spectacle et qui ont fait une espèce de parodie de... Alors, c'était avant la COP21. Et du coup, il y en a eu un qui... La deuxième partie du spectacle a été faite juste au moment de la COP21. J'avais vu ça dans le festival des je sais plus comment ça s'appelle, à la ferme du Buisson, des indisciplinés ou un truc comme ça, enfin voilà, je sais plus le terme exact. Et en fait ils miment ce qui se passe dans ces réunions, et en fait c'est très révélateur. Ça fait sourire parfois, ça fait même un peu pleurer, parce qu'on se dit bah on comprend mieux pourquoi on en arrive là. Et en fait on voit des gens en fait qui se battent pour leur bout de gras. Et il y a la France d'un côté, il y a l'Angleterre, il y a quelqu'un qui représente les pays africains, il y a les États-Unis, il y a le Canada. Et en fait on voit le bordel que c'est dans ces réunions, où en fait chacun veut prendre le pas sur l'autre. Ou par exemple, quand ils arrivent à la réunion, en fait, il y en a un qui remercie le pays organisateur, le deuxième veut le faire. Alors tous les pays veulent faire. Mais dans ces cas-là, comme il faut qu'il y ait un accord dans les 48 heures, en fait, tout le monde perd son temps sur un truc et pour redire exactement la même chose. Et au bout d'un moment, en fait, on en arrive à des espèces de négociations qui sont complètement nulles et non avenantes, parce que du coup, on se bat pour son petit bout de gras. Et en fait, les gens ne veulent pas faire d'efforts, parce que les pays les plus développés en fait se disent oui mais moi j'ai besoin d'énergie etc. pour vivre etc. etc. Et cette solidarité qu'on devrait avoir entre nous en fait n'existe pas, ou c'est que de la communication. Et finalement je me dis, dans la société idéale il faudrait en fait que certains effectivement pays, alors peut-être développés, je sais pas comment on peut appeler ça, mais mettre certaines choses de côté au profit des autres et pour quelque chose de plus juste. Et pour moi ça c'est important, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on le voit finalement, la grosse blague que c'est la COP21, avec des gens notamment comme Trump qui est un climato-sceptique, écologiquement sceptique et tout ce que vous voulez, et qui n'en a rien à faire du truc de la COP21, et le monde se, entre guillemets, enfin ça se dégrade de plus en plus. Donc si on n'arrive pas à faire ça, et dans la société idéale, moi c'est ce que j'aimerais, c'est qu'au bout d'un moment on arrête de défendre son beefsteak et qu'on se dise les choses et qu'on apprenne à vivre en espèce d'harmonie. Parce que finalement le commerce international, pour moi ça, quelque part ça détruit tout ça. Ça détruit toutes ces valeurs qu'on défend et qu'on parle ici depuis presque un an et que d'autres parlaient. Donc voilà, c'était juste une intervention, une idée que j'avais eue sur mon trajet de RER. Ok, merci. Bah après, je pense qu'il y a des choses à différencier, parce que le commerce international a quand même, ça existe quand même depuis très très longtemps. Moi, je m'y connais pas trop en histoire, mais ça, je pense que ça fait quand même vraiment que ça existe et ça a pas toujours été négatif, je pense. Donc il y a des choses qu'on peut pas trouver sur notre territoire. Alors ça voudrait dire que chacun vit sur son territoire avec ce qu'il a autour de lui et ne doit rien demander à l'autre. Est-ce que les êtres humains seront capables de vivre comme ça? Je sais pas. Ça me paraît compliqué, mais surtout vu où on en est aujourd'hui. Oui, bah c'est plutôt une question. Ce fameux, comment dire, enfin tous les problèmes dont on parle, le peu que j'en sais, sont nés avec le libéralisme, quand les Américains ont inventé tout un système disant que c'est basé, tout le commerce doit être basé sur l'égoïsme de chacun. Parce que comme ça va bien marcher, tout le monde sera content, la planète sera parfaite, tout est merveilleux, etc. Parce que, en plus de l'égoïsme, il y a un truc que j'attends encore qu'on m'explique, qui va avec, c'est la fameuse main invisible du marché qui va tout arranger. Ah, j'ai jamais compris qu'est-ce que ça pouvait être, cette main invisible du marché. Alors, pourtant, moi je dis, bon, mais on parle de l'égoïsme, c'est quoi? C'est une émotion, c'est un sentiment, c'est, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on pourrait proposer autre chose, de baser le commerce international sur l'amour. C'est-à-dire personne ne fait rien pour soi-même, mais pour les autres. Tout ce qu'il fait, qu'il produit, qu'il veut vendre, échanger, partager, etc., c'est par amour. Alors c'est sûr que quand on dit ça, les gens disent « Ah ben l'amour, c'est pas réaliste, c'est n'importe quoi, c'est du... » Bah, c'est la même chose que l'égoïsme. Je veux dire, pourquoi, si on veut l'un, on peut vouloir l'autre aussi. Pourquoi pas? Alors, ou on enlève, on dit non, l'amour ça peut pas marcher, mais alors l'égoïsme non plus ça peut pas marcher. Alors il faut trouver autre chose. Et puis à propos de notre incohérence, quand on veut des choses et puis on fait le contraire de ce qu'on veut, pour moi c'est de la schizophrénie, c'est pas de l'incohérence. On est tous obligés d'être schizophrènes, on a des murs dans notre cerveau. Quand on fait un truc, on va pas voir de l'autre côté du mur ce que le cerveau pense. Et quand on pense, on voit pas ce qu'on fait. Mais la schizophrénie, ça se soigne. Et de ce que j'en sais, l'amour, c'est aussi un système de guérison. Alors si on arrête de penser à soi, que à soi, à son propre intérêt, c'est sûr que tous les échanges vont être complètement transformés. Et un dernier truc à propos de la schizophrénie, c'est quand il paraît qu'il va y avoir des élections, et avec deux candidats, et il y a le candidat des villes et le candidat des champs. Et bon, mais s'il n'y a pas de champ, il y aura personne qui peut vivre en ville. Et s'il n'y a pas de ville, les champs vont être tristes. Alors, on peut là aussi imaginer plein de choses. Si on se base sur l'amour entre les gens des villes et les gens des champs, on peut faire plein d'échanges, plein de partages, aussi bien que les gens des champs qui bossent, ils ont le droit de rigoler aussi. Et les gens des villes qui ont tout l'argent et qui font que rigoler, ils ont le droit de bosser aussi. Voilà, moi j'ai plein d'idées à ce sujet, mais bon, je crois que ce sera un autre discours, peut-être un autre jour. Merci. Je pense, pour répondre un petit peu à ce que vous venez de dire, que le contraire de l'égoïsme dans cette optique, c'est l'exploitation. Et pour rebondir sur le commerce, il peut y avoir justement un commerce international harmonieux s'il est bâti sur des règles plus justes et plus équitables. Par exemple, quand j'entends des politiciens comme Jean-Louis Bourleau d'aller en Afrique et leur ramener de l'électricité, alors que les Africains eux-mêmes peuvent fabriquer leur électricité pour eux-mêmes, et d'autant plus écologique, et la commercialiser. Pourquoi pas non plus dire aller cultiver les terres des Africains à leur place, etc. Donc un commerce international juste, peut-être harmonieux, et puis arrêter ces pensées d'exploitation et à tout va, et de regarder l'argent, enfin de regarder les autres sociétés comme uniquement de l'argent et du bénéfice, de l'intérêt. Voilà, merci. Merci monsieur. Ouais, tout ça me fait penser que en gros, enfin la règle, c'est le commerce international, d'accord, mais sans intérêt privé au final, parce qu'aujourd'hui c'est sûrement ce qui gouverne tous ces gens qui prônent le commerce international. Enfin, en tout cas, quand on regarde un peu ce qu'il y a dans le TAFTA ou dans le CETA, c'est tout à fait ça. Donc Comment on peut... Le but, ce serait de pouvoir continuer à faire du commerce international avec les gens, mais en ayant une autre vision, en ayant une autre vision des choses. En gros, le but, c'est de trouver une vision particulière des choses pour pouvoir créer un commerce lié sur l'amour. En gros, toi, c'est ce que tu dis. Moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que quand tu dis ça, l'amour, ça fait peur. Hein. Non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Hein. Ça fait peur de donner. Ça veut dire que tu donnes à l'autre sans attendre en retour. Ça fait très peur. Ouais, voilà. Tu donnes à l'autre sans te dire, si je lui donne ça, c'est pour que dans 5 ans, lui, il me rende ça plus tard. Alors que non, tu donnes parce que tu as envie de donner et parce que tu as les moyens de donner. Donc, moi, je suis d'accord avec cette idée, mais visiblement, ceux qui contrôlent, ouais, ceux qui contrôlent aujourd'hui le commerce international ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Oui, merci. Je pense que le commerce international, c'est quand même quelque chose de très complexe. Donc on aborde ça en 28e session. J'essaye de réfléchir à tout ce qu'on a pu dire avant. Et je me dis que faudrait qu'on se replonge un peu dans ce qui a été dit, notamment dans les ateliers sur le partage des richesses. Et ce que je dirais, c'est que le commerce international, déjà, il faut le revoir totalement. C'est-à-dire déjà, se dire que on peut pas s'en passer. On a des ressources, on a les moyens techniques de transporter toutes sortes de marchandises. On peut appeler ça des marchandises, mais on peut appeler ça des produits agricoles, du minerai, enfin toutes sortes de choses. On a des endroits dans le monde où il y a du pétrole, où il y a du coltan, où on peut faire pousser certains fruits. Bon, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'on va empêcher les gens de faire circuler tous ces produits agricoles et autres? Je ne pense pas. Je pense que déjà la première chose à faire, c'est se dire que la règle qui va régir la circulation de tous ces produits, ce ne sera pas celle du profit. Celle qui consiste à dire je vais faire circuler des ananas de la Côte d'Ivoire à la France, pas parce que je pense que les Français doivent bénéficier de ce superbe fruit qui est très très bon, qui peut pas pousser en France, mais parce que je vais me faire du pognon en faisant ce commerce là. Donc il faut déjà repenser tout cela. Ensuite, ce que je dirais ce qui je pense serait déjà une première étape, ce serait de se dire que dans ces pays, dans ces territoires où on a on peut prendre le coltan par exemple, parce que c'est très important le coltan. Le coltan, il permet de fabriquer les smartphones, les ordinateurs, toutes ces choses-là. On va pas dire qu'on va s'en passer. Ça me semble beaucoup trop. Ça me semble pas réalisable. Ce qu'on peut se dire, c'est que le coltan, on veut bien l'extraire, mais que le principe fondateur de l'utilisation et du commerce du coltan, c'est que les personnes qui vont chercher le coltan dans la terre, donc les mineurs qui vont travailler là-dessus, ça se passe dans l'est du Congo, qu'ils aient un minimum. Alors quand je dis un minimum, le minimum, c'est pas on passe de 3 dollars à 4,50 dollars par jour. C'est qu'ils aient un minimum social de vie et autres, c'est-à-dire que qu'ils soient payés, qu'ils soient rémunérés, ou alors qu'ils aient accès à tout ce dont ils ont besoin, et que tant que ces personnes dans ce territoire n'ont pas accès à l'éducation, la santé gratuite, surtout l'eau, la santé, l'éducation, enfin bref, tout ce dont ils ont besoin. Peut-être que eux, ça les intéresse pas, l'éducation à l'occidentale, mais qu'ils ont besoin plutôt d'eau, de ceci, de cela, de machin. Et aussi la question de la technologie, c'est-à-dire des transferts de technologie. Tant qu'ils n'ont pas ce minimum-là, eh ben le coltan, il reste dans la terre. Voilà, je pense que ce serait une bonne base pour le commerce international. Et c'est la même chose, par exemple, pour tout, pour le cacao, pour le pétrole et autres. C'est-à-dire se dire que non, on ne sort pas tel produit tant que les populations qui habitent ce territoire où se trouve la ressource agricole, minière, etc., etc., n'ont pas accès à un minimum social et un minimum qui est affixé par ces populations-là elles-mêmes. Merci. Merci. Alors, ouais, je fais une petite relance. Donc, on est sur l'atelier du Pop. Quelle société veut-on? Le thème du jour, c'est le commerce international. Et donc, on a déjà fait une session de 2 heures il y a 3 semaines. Et là, on refait une session de 2 heures. Donc, on a fait le résumé en début. On va pas le refaire parce que c'est assez long. Et donc, n'hésitez pas à vous rapprocher. N'hésitez pas à venir participer. Donc c'est le but, c'est de comment vous voyez le commerce international dans une société idéale. Et puis si vous avez envie de dire quelque chose par rapport au commerce international de manière générale, vous pouvez aussi, bien évidemment. Bon, moi je vais poursuivre avec le produit là que tu parles, par exemple le coltan. Je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est un produit qui devrait finir par manquer. Donc pourquoi aller l'extraire, et le jour où il n'y en a plus, il faudra chercher autre chose. Donc quelque part, c'est détruire la planète pour quelque chose qui va nous être utile pendant un certain temps. Et puis après, il n'y aura plus, on ira chercher autre chose. Et je pense, enfin, moi, ce qui m'est venu à l'esprit pour le commerce international, il faudrait peut-être que dans chaque pays, il y ait un état des lieux qui soit fait de ce qu'on, de ce que notre terre peut produire, de ce qu'on a besoin. Et puis après, voir là où il y a un manque, mais faire en sorte que tout le monde puisse avoir tout, mais pas en grande quantité, et surtout ne rien faire disparaître, hein. Que ce soit des ressources, que ce soit... là, j'ai entendu dire, bon, je ne sais pas si c'est une intox ou une info, par exemple, que le chocolat, fallait, pour le chocolat, il y aura un manque par la suite, hein, parce qu'on est trop gros. Non ? Bon. Donc, je ne sais pas, mais peut-être que quelqu'un pourra en dire un peu plus. Eh bah, bien, nous, on a des pains au chocolat, si vous voulez, ici, donc... C'est peut-être les derniers, donc... est-ce que quelqu'un veut continuer sur cette lancée ? Sur le commerce international ? Je voulais réagir sur ce qui a été dit juste avant par rapport à voilà, que les populations fixent leurs conditions pour pouvoir exporter ce qu'ils ont dans leur terre. Je me dis, ça, si c'était fait dans la logique actuelle, ça donnerait juste une sorte de contre-pouvoir, mais où finalement on pourrait se retrouver dans le même système où ils en demandent toujours plus pour qu'on puisse accéder aux ressources. Donc ça peut être en tout cas un passage obligatoire, mais ça peut pas être une fin en soi. Et en effet, du coup, il faudrait repenser, donc tout à l'heure il y a eu la proposition de l'amour, mais repenser ce rapport au commerce, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on échange en fait ? Est-ce que c'est pour s'enrichir ? Est-ce que c'est pour découvrir ? Est-ce que c'est pour faire circuler ? Est-ce que c'est pour répondre aux besoins de chacun ? Est-ce que c'est pour... donc, tout à l'heure, quelqu'un demandait qu'est-ce que c'était que la main invisible ? Bon, on dit que c'est Smith qui a inventé la main invisible. En fait, il l'a juste cité une fois comme exemple dans La richesse des nations, dans un de ses bouquins. Et bon, c'est un peu le père du libéralisme, mais il s'en est un petit peu voulu de ce que ça a donné après. C'était pas du tout ce qu'il voulait. Et en fait, cette idée de main invisible, c'est que quand chacun va servir son intérêt particulier, ça va permettre... Donc c'est vraiment dans une logique de... on ne dit pas consommation quand on veut qu'il y ait de plus en plus de trucs... Hein ? De croissance, voilà. C'est vraiment dans une logique de croissance, parce qu'il faut aussi se remettre dans l'époque où ils étaient en train de découvrir des trucs et ils ne se posaient pas du tout la question à ce moment-là de la fin de certaines richesses des terres, etc. Donc c'était vraiment dans une logique de croissance où ce qu'il disait, c'est chaque intérêt particulier, finalement, on va finir par servir l'intérêt général. Par contre, là où ça peut être, c'est si on empêche quelqu'un de faire quelque chose, et bah du coup, ça va bloquer l'intérêt général. Donc si chacun, en fait, peut aller jusqu'au bout de ce qu'il veut, ça va finir par servir à tout le monde. Et donc c'est ça, cette idée de main invisible, c'est qu'il y a un moment où ça s'équilibre. Sauf que, bon, ça c'était pensé sans le déséquilibre entre les forces de chacun et... À la limite, si on était tous capables de faire de la même chose, ça marcherait. Or, c'est pas vraiment le cas et on part pas tous des mêmes bases. Donc du coup, c'était sûr que ça n'allait pas marcher. Et voilà, je sais plus pourquoi je dis ça. Mais... Alors juste, petite précision pour moi et peut-être pour d'autres. Tu parles de naissance du libéralisme, est-ce que tu as une date ? Enfin, je sais pas, précurseur du libéralisme, est-ce que tu as une date ? La richesse des nations, c'est 1700 quelque chose. Je sais plus exactement. Est-ce que quelqu'un, plus toi, tu peux ? Ouais, c'est quelques années, c'est dans les années qui précèdent la Révolution française. Voilà, c'est plus ou moins à l'époque de la Révolution américaine. Voilà, tout ça, la deuxième partie du XVIIIe siècle. Ok, merci. Oui, donc juste comme ça, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Donc on est sur l'atelier du peuple. Quelle société veut-on ? Vous voulez parler du commerce international ? Monsieur, moi je suis Bourguipali. Voilà. Monsieur, s'il te plaît, je travaille de 14 ans dans la société, le restaurant, et les patrons, j'étais comme le clochard. Il a écrit en faute grave, exprès, il a changé le personnel. Il n'est pas exprès, tu as compris ? Il était moi, jamais ça ne marche pas avec les gens, avec moi, il écrit avec le personnel. Voilà, je prends un syndicat de travail. Et Samonat écrit une lettre qui est remise contre moi, photographe avec le stylo. Moi, je n'ai pas d'accord. Et eux, ils prennent la clé et ferment. Et eux, j'étais mal au travail. Je prends des avocats, ils refusaient l'avocat. Le 2 novembre, il n'a pas parti le prédôme de Louis Blanc. Et moi, ma mère est malade au bled. Et j'ai parti 10 jours, je viens, et après, il est mort. Et le patron, maintenant, il n'a pas payé l'argent, le patron. Les banques, ils vident. Comment je fais? Il reste les banquettes, comme j'ai mangé, comme j'ai payé le loyer. Voilà. Et moi, il laisse ma tranquille, libre. J'ai parti là, la Tunisie, les vacances, jamais problème avec Ben Ali, avec Jacques Chirac, jamais problème. Et le papier en règle, disons, c'est vrai, divorcer ma femme avant l'époque Jacques Chirac, j'ai oublié le problème. J'ai parlé à la police. Le juge respecte la loi, moi, responsable de la famille au bled. Et le pari, je ne touche pas. Il arrête avec moi le problème, il balance avec moi le BFM, BFM 15 et numéro 16. Il arrête le problème avec moi aujourd'hui. Il me laisse libre avec moi. Après, un problème, quand il touche avec moi, un problème avec les Tunisiens. La Tunisie, avec moi, les vacances. Et merci beaucoup. De rien, mais on parle du commerce international, donc c'était pas très en lien avec, mais c'est pas grave. On continue. Donc on est sur l'atelier du pop. Quelle société veut-on? Et le thème du jour, c'est commerce international. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, à vous rapprocher, à dire ce que vous en pensez. Et là, le but, c'est de dire quel serait, selon vous, comment vous voyez le commerce international de manière idéale, comment on peut faire, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est pas idéal. Donc moi, j'aime beaucoup l'idée qui a été amenée avant, là, en résumé, c'est respecter la dignité de chaque être humain dans chaque commerce, voilà, qui serait en lien avec, par exemple, le commerce équitable. Moi, je connais pas exactement, parce que c'est un label, hein, donc moi, je me méfie un peu des labels, mais bon, en gros, voilà, le commerce équitable qui devrait respecter la dignité de chaque être humain. Et en liaison avec un autre truc qui s'appelle l'économie circulaire ou la blue economy qui est assez, qui marche un petit peu en ce moment. Je pense que ça pourrait être intéressant, par exemple, de que ce soit enseigné assez tôt aux enfants, de leur faire comprendre que, au final, on revient toujours à l'éducation. Hein. Ça, c'est la base. Et je pense que c'est... Enfin, moi, en tout cas, là, on est au 28e session des ateliers du pop. Le thème qui revient à chaque fois obligatoirement, de toute façon, c'est l'éducation. Parce que si on veut faire passer quelque chose à la génération future, on est obligé de le faire passer par les jeunes qui arrivent. Donc, voilà. Et donc, voilà. Moi, je proposerais personnellement une éducation à l'économie circulaire. Ça, après, c'est un nom comme un autre. Mais faire comprendre aux enfants que dans la nature, tout fonctionne de manière circulaire, c'est que tout est réutilisé et tout est réutilisable. Donc, c'est-à-dire que quand on crée des choses, on jette, on crée quelque chose et on jette je ne sais combien de pourcentage de la matière qu'on a utilisée à la base et pour n'en récupérer qu'une petite partie. Et c'est ça le drame de notre économie aujourd'hui. Et puis de toute façon... ce qui est triste, c'est que ça nous retombera dessus de toute façon un jour ou l'autre. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut continuer sur le commerce international? C'est vrai que c'est pas évident comme thème. Je lui laisse la parole et puis après je te... Non, bah t'as pas encore parlé, donc vas-y. Bonjour. On parle de commerce international et j'aimerais savoir dans quelle mesure en fait on fait du commerce international avec quand on fait des études par exemple. Il y a un domaine de commerce international et on nous parle de... Enfin, est-ce qu'on aborde vraiment le sujet de la société quand on fait le commerce international? Et est-ce que... Enfin, est-ce que vraiment on peut interagir? Parce qu'aujourd'hui, le commerce international, il y a pas mal de choses et... Enfin, franchement... Ouais, c'est compliqué. Vous avez entendu ma question? En fait, je me posais la question de savoir si on faisait vraiment dans les études, si on mettait vraiment au cœur du sujet la société dans le commerce international. Ouais. Parce que on parle de société. Quelle société veut-on? Donc on essaie de s'impliquer dans le sujet que vous proposez. Et on parle de commerce international et dans nos études, quand on est jeune, on fait du... Il y a une branche de commerce international. Donc là, on est en train d'interagir, mais est-ce qu'on parle de société quand on fait des études de commerce international, et est-ce que les personnes qui font ces études-là, est-ce qu'elles sont amenées plus tard à interagir, à agir pour comme le monsieur qui est venu et qui a parlé de sa situation personnelle. Il a parlé au... C'est international, hein, il vient de Tunisie apparemment, d'après ce que je comprends. Donc, enfin, si vous voulez répondre ou si vous voulez répondre, vous, je sais pas. Je préfère interagir. Ouais, je ne sais pas si c'est une réponse, parce que c'est on voit des affiches dans le métro là sur le MBA, le Master in Business Administration. Je sais pas l'anglais, je vous dis tout de suite. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'études sur les impacts du commerce sur les populations. Enfin, j'en sais rien, mais je pense pas que ce soit ça le but des études. Le but de ces études, c'est d'apprendre à compter. Parce que ça devient très compliqué de compter. Surtout parce que l'évolution qui est en train de se faire... Enfin, pour moi, le problème, c'est pas du tout l'éducation. Le problème, c'est qui décide. Qui décide quoi. C'est ça le problème. Et quand on voit, par exemple, il y a des bourses d'échange, enfin, je suis sûr, aux États-Unis, mais je pense qu'il y a en France aussi, sur les matières alimentaires. Et il y a des gens qui achètent des récoltes en étant chez eux à la maison ou dans leur bureau et qui sont en mesure d'enrichir ou de ruiner toute une population d'un pays ou d'une région. Mais c'est pas eux qui décident. Il y a des ordinateurs qui sont programmés. C'est-à-dire, bon, chaque fois, une variation des cours, bon, l'ordinateur, il s'arrange pour gagner dessus. Que ça monte, que ça baisse, de toute façon, il y a un profit qui se fait. Et ça devient de pire en pire avec le big data, comme on dit, ce qu'il y a sur Internet, sur Facebook, les logarithmes. Et par exemple, moi j'ai l'impression de... C'est à moitié pour rigoler. Un type comme Macron, pour moi, c'est pas un homme, c'est un logarithme. Parce qu'il raconte tout ce qu'il vend son truc, il vend sa politique, il dit ce qu'il faut dire pour devenir président. Après, ce qui va se passer, il n'en a rien à cirer. Il peut y avoir la guerre civile, il peut y avoir la France qui est ruinée, etc. C'est pas son problème. Son problème, c'est de devenir président. Mais c'est la même chose avec les autres. C'est-à-dire, c'est quand on voit la gauche, par exemple, il y a Mélenchon et Hamon qui ensemble seraient passés devant Le Pen. Bon, s'ils pensaient à la France, ils se seraient mis d'accord. S'ils sont pas mis d'accord, c'est qu'ils pensent d'abord à eux, et après, bon, ça, en France, ça va être le bordel, mais on n'en a rien à cirer. Ce qui compte pour nous, c'est d'être président. Et c'est tout le monde comme ça. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'égoïsme. C'est moi d'abord, et les autres, ils peuvent crever, j'en ai rien à foutre. Et, par contre, enfin, moi, je vois une solution, mais bon, ça, c'est une idée à moi aussi. Ce qu'on voit dans les supermarchés, mais au lieu que ce soit un directeur nommé par n'importe qui travaille pour son profit, ça pourrait être que dans chaque région, dans chaque petit écosystème, que ce soit un quartier, une ville, un village, une région, enfin surtout au niveau des régions, les producteurs, les consommateurs, tous les gens se rencontrent et décident, voilà, qu'est-ce qu'on a pour vivre, hein, et on décide le prix de chaque chose, si c'est... S'il n'y en a pas beaucoup, ce sera plus cher. Une année, s'il y en a beaucoup une autre année, ce sera moins cher. Mais d'abord, tout le monde aura à manger. Ça, c'est la base. Parce que c'est les gens qui parlent pour eux-mêmes. Donc si eux, ils se mettent pas d'accord, ils bouffent pas. Enfin, il y en a qui vont pas bouffer. Et ça va forcément mal marcher. Et ça, on peut le faire non seulement entre régions d'Europe. Dire, on n'a pas besoin d'une Europe politique pour faire ça. Il y a déjà une Europe géographique. Moi, je suis Lorrain, c'est qu'il y a déjà plein d'échanges entre l'Allemagne et la Lorraine, et les gens ne demandent rien à personne. Il y en a qui vont travailler d'un côté, qui achètent des produits de l'autre, et il n'y a pas besoin d'une administration pour ça, ça se débrouille très bien. Pareil avec le Luxembourg, avec la Belgique, avec l'Italie, les gens se débrouillent parce qu'il n'y a pas d'administration pour les emmerder. C'est ça qui compte, c'est des hommes qui discutent avec des hommes, de leurs besoins à eux. Ils connaissent leurs problèmes, parce que c'est les problèmes qu'ils sont en train de vivre. Donc il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord, et ils y arrivent forcément. Et c'est complètement différent de parler de sa propre vie, de ses propres besoins, de son propre travail, que de gagner de l'argent sur le travail des autres. Ça, ça ne devrait pas exister. Enfin, je sais que je dis une connerie, mais pour moi, c'est ça la base. Dire. Mais pour faire ça, dire, c'est ça la décision. C'est que les gens décident de leur propre vie. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Là où ils sont, comme ils sont, avec leurs voisins. Et même s'il y a un voisin communiste, un voisin capitaliste, un voisin anarchiste, ils peuvent très bien se mettre d'accord pour dire, voilà, dans une année, on va faire ça, on va se mettre d'accord, on va se débrouiller tous ensemble pour survivre. Après, chacun, il pense ce qu'il veut. On n'a rien à foutre. Mais d'abord, pour vivre, pour survivre, pour l'éducation aussi. Mais c'est nous qui décidons, là où on est, sur le terrain. C'est pas la décision à Paris, à Bruxelles ou aux États-Unis. Pour moi, c'est d'abord ça qu'il faut dire, le rapport de force, mais on peut l'installer sans violence. Il y a beaucoup de gens qui parlent de révolution maintenant, qui veulent faire la révolution contre la droite, la gauche, etc. Mais il suffit que là où on est, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord ensemble, là où on est, comme on vit, d'après nos besoins et nos capacités de produire quelque chose. Et tout le monde est capable de produire et tout le monde est capable de consommer. À partir du moment où on crée un niveau administratif ou un niveau le maire, le préfet, etc., ben on est dans la merde parce que c'est quelqu'un qui décide mais qui sait pas de quoi il parle. Il pense des trucs qui n'existent pas. C'est ça qu'il voit pas. Le pouvoir de décision dans le terrain, là où les gens sont entre eux. C'est ça la vraie révolution. Enfin, ce serait la révolution. De tout ce que vous dites, c'est pas utopique, c'est possible à mettre en place, mais il faut prendre en compte que aujourd'hui, si Macron il a été élu, il va peut-être être élu. Le souci c'est que il a basé sa politique ou sa manière d'avancer sur principalement du capitalisme, et la société capitalistique aujourd'hui, elle est essentiellement basée sur des échanges, mais on n'est pas non plus sur des échanges de troc ou autre, quoique c'est comme vous dites, c'est pas calculateur, mais c'est un philanthrope, c'est un mathématicien. Il a grandi dans tout ça, et sa manière dont il a avancé, elle est telle que aujourd'hui la plupart des gens qui grandissent baignent dans tout ça et s'y retrouvent. Ils ont dit qu'il y avait à peu près un peu plus de 20% des 18-24 ans qui avaient voté pour lui, et c'est la jeunesse, c'est cette jeunesse là qui fait que je me pose la question de savoir si au niveau international il va faire le poids, déjà d'un, tout mouillé ou pas, et quelque part est-ce qu'il va représenter le commerce tel qu'il est en France, c'est-à-dire la pluralité, la manière dont pensent les gens. Vous pensez à peu près comme la majeure partie des personnes aujourd'hui qui sont ici, et qu'est-ce qu'il va mettre en place pour répondre aux différentes attentes de toutes ces personnes qui travaillent dans le commerce ou autre, puisqu'on est tous commerçants quelque part, quel que soit son métier. Après, la chose, c'est que on peut revenir à une certaine base ancienne qui a fait ses preuves, mais on n'enlève pas tout du jour au lendemain, on ne met pas tout à plat non plus du jour au lendemain, et on ne peut pas, malgré certaines idées de jeunes ou autres, se dire qu'on a tout compris ou on dit ce qu'on a envie de dire comme on peut le penser ou pas. Enfin. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que le commerce international, il fait partie de pays, et que chacun a sa manière d'avancer dans ces différents pays. Chacun a ses richesses, chacun les, comme quand vous mettez du blé, on attend que ça pousse, etc. Et pendant ce temps-là, on fait du commerce, on essaie d'avancer au fur et à mesure. Et avec tout ça, ce monsieur qui va être peut-être président de la République, il a peut-être d'autres chats à fouetter, il va peut-être compter ses billets ou il va peut-être avancer d'une autre manière. Et il trouvera peut-être preneur à droite ou à gauche, mais plutôt en bas ou plutôt en haut, ça va peut-être pas le faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Moi je pense que dans la société, nous avons besoin d'un minimum d'organisation. Après, l'organisation, on peut faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus consensuelle, n'est-ce pas, de manière à ce que ça puisse convenir plus ou moins à tout le monde. Je rebondis par contre sur l'idée des profits. Je pense que c'est à ce niveau-là que le gros souci se pose, parce que on a donné quelques exemples ici sur les matières premières, par exemple le café, le cacao en Afrique et dans d'autres parties du monde, mais on peut aussi prendre des exemples ici en France. Quand je prends l'exemple du lait, par exemple, nous achetons la brique de lait, le litre, un peu plus d'un euro, quand on sait que le producteur de lait, il n'engrange qu'environ 30 centimes, il me semble. Donc ça, c'est pas très juste. C'est pas très juste et je pense que c'est pas normal que la personne qui travaille gagne moins que l'intermédiaire, c'est lui qui distribue, le distributeur, etc. Donc, il me semble qu'il y a une organisation mondiale du commerce, il y a les États, il y a toutes ces organisations-là, ça existe. Les institutions, elles sont là. Ce qui serait intéressant, c'est de maîtriser les profits, justement. Maîtriser les profits de sorte que le travailleur puisse vivre de son travail et pas l'inverse. C'est lui qui ne fait pas grand-chose, qui organise tout ça et qui finalement s'en met plein les poches. C'est ça actuellement la difficulté. Ce n'est pas une question d'Africains, d'Européens, d'Américains. Je pense que partout, les petites gens, les petites mains, c'est eux qui finalement en pâtissent, quoi. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait une espèce de révolution de manière à ce que le travail profite aux travailleurs, quoi. Merci. J'ai bien aimé ta phrase « Nous sommes tous des commerçants ». Je trouve ça intéressant parce que, on peut se voir comme étant tous des commerçants. Et je trouve ça intéressant avec ce qui avait été dit avant par rapport au big data, parce que le big data, c'est la commercialisation d'informations. Et on peut dire que nous, on diffuse des informations. Et du coup, quand on diffuse des informations, en quelque sorte, c'est comme si on était commerçant de notre propre information, mais qu'au final, on diffuse gratuitement parce que ça nous apporte rien. Par exemple, nous, ce qu'on fait ici, ça nous rapporte pas d'argent, mais ça nous apporte à l'intérieur, tu vois, genre d'échanger avec des gens qui viennent de tous les horizons et qui nous apportent leur vision du monde. Moi, personnellement, ça m'apporte beaucoup, donc, tu vois, alors que ça m'enrichit pas, tu vois, enfin, ça m'enrichit pas matériellement, tu vois, ça m'enrichit à l'intérieur. Et c'est pour ça, il faut aussi poser, réussir à poser tout ça. Est-ce que c'est plus important la richesse matérielle que la richesse, on va dire, l'épanouissement personnel? Donc, par rapport à ça, le commerce international relié seulement à la richesse matérielle causera forcément des dégâts. Ouais, je pense que ça, c'est logique. Est-ce que... Oui. Oui. Oui, oui. Je fais une petite relance. Donc, n'hésitez pas à vous avancer. En plus, il a commencé à pleuvoir un peu là. N'hésitez pas à vous avancer. Donc on est sur l'atelier du peuple, quelle société veut-on? Et le thème du jour, c'est le commerce international. Donc on est là pour discuter de la société idéale. Bon, on sait que c'est pas évident à chaque fois, hein, s'imaginer une société idéale. Ce commerce international, c'est un sujet très complexe, on peut le dire. Donc voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'être des professionnels, hein, vous dites ce que vous avez envie de dire, ce que vous en pensez. Nous, on n'est pas du tout des professionnels. On apprend sur le terrain comme vous, voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Alors, vous avez une question, monsieur? Ouais. Oui, donc moi je suis... Oui, ça se voit pas, donc je suis... Si vous comprenez pas ce que je dis, donc je pourrais pas faire mieux. Donc je suis magicien et je suis humoriste. Même ça se voit pas, mais j'ai des quelques questions. Genre, je peux poser une question sur le commerce international. Donc, notamment quand on parle de commerce international, j'aimerais bien parler de l'Europe, parce que si on voit un peu tous les candidats qui étaient là pour négocier, pour parler un peu de l'Europe, voilà, c'est pas ce qu'il a apporté comme solution. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la solution qu'il a apporté, c'est une négociation. Négocier un petit peu. Il voulait changer le traité de l'Europe. Donc il faut savoir que c'était presque impossible. Donc voilà. Donc même le couple là qu'on voit maintenant dans les deux, Macron et Le Pen. Hier, Marine Le Pen, il a maintenant changé d'avis carrément sur l'Europe. Il a dit que maintenant l'Europe, on va un petit peu la poser plus tard. On va attendre même quelques mois, voire plusieurs années. Voilà. Donc la première question. Donc c'est quoi? Quelle est la place de commerce international dans l'Europe? Donc, c'est quoi les solutions? Donc, ça, c'est une première solution. C'est la première question. Donc, la deuxième question, en fait, c'est quoi ça veut dire, c'est quoi la question, en fait, la question qui va être apportée par nos politiques? Parce que nous, on peut rien faire, entre guillemets. Parce que chacun de nous peut un petit peu participer. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la Farge. C'est une sorte de commerce international, la Farge. Parce qu'on voit, moi, j'ai vu, en parlant toujours des 11 candidats, j'ai vu Mélenchon qui est en train de se la jouer, un petit peu en accusant un peu la Farge, de dire, voilà, qu'il est en train un petit peu de magouiller, ou de faire, voilà, de participer à Daesh, pour financer, alors que lui aussi, il n'est pas blanc, parce qu'on sait qu'il a quand même, il a trafiqué, il a fait beaucoup, beaucoup de trafic, je veux dire, il n'a qu'à aller voir un petit peu son historique. La deuxième question, c'est ça, c'est la Farge. Bon, quelle est la place aussi de la Farge dans le commerce international? Parce que maintenant, il a un peu... Heureusement que le PDG, il a démissionné. Il a démissionné pour ne pas... Entre autres, parce qu'il y a voilà, tout ce que les magouilles au niveau de Daesh et au niveau des États-Unis, parce qu'il a quand même promis de faire de construire le mur hein, qui sépare l'Amérique avec les pays voisins pour éviter l'immigration. Voilà, la deuxième question, quelle est la place de la Farge dans... le commerce, parce que c'est une forme de commerce, hein, vous n'allez pas me dire que ça appartient pas. Troisième question, et je finis avec ça, sur le sud de la France. Le sud de la France, c'est sur les serres. Donc tout le monde, Donc moi, je vais un petit peu les loin, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Parce que moi, j'habite à Belleville, il y a le marché. À chaque fois que j'achète, et c'est un rapport avec ce que vous dites, hein, à chaque fois que j'achète les produits, j'achète les bananes à 1 euro. Parfois, les tomates à 1,50 € les 2 kilos. Donc expliquez-moi les marges ici. Voilà. Est-ce que ça vient pas? Moi j'ai une théorie. Hein, est-ce que ça vient pas de la main d'œuvre qui est moins chère? Ça vient pas des serres là, qui sont à 40 degrés. Donc voilà. Donc ils sont vraiment très chauds à l'intérieur. Et qui c'est qui travaille dessus? Et voilà. Et c'est quoi c'est une question. Hein, donc les éléments de réponse ils sont là. Hein, donc est-ce que c'est pas vraiment la main d'œuvre? Donc la question elle se rapporte un peu à le commerce international entre le Maghreb. Et voir l'Afrique, hein, le Maghreb et l'Espagne. Et le coût de la main-d'œuvre des employeurs dans l'agriculture. Voilà, c'est trois questions. Alors, merci monsieur pour ces trois questions. Donc, moi, je ne vais pas répondre. Moi, je suis juste médiateur ici. Donc, je peux avoir mon avis, mais je ne suis pas celui qui dirige la conversation. Il y a monsieur qui veut vous répondre. Alors, je vais juste faire un récapitulatif des trois questions pour les gens qui sont là. Donc c'est qu'est-ce que c'est le commerce international en Europe? En gros c'est ça. Qu'est-ce que fait la Farge dans le commerce international? Très bonne question. Et la dernière question, les tomates 1 euro le kilo qui viennent d'Espagne, qu'est-ce qu'elles font là et d'où elles viennent vraiment et qui travaille pour ces tomates? Voilà. Donc excusez-moi, je vais donner le micro, monsieur. Merci, bonjour à tous. Monsieur vient de poser une question au préalable en disant que on peut rien faire. Tout est décidé en Europe et tout ça. Monsieur, on a les politiciens qu'on mérite. On a une arme qui est extraordinaire, qui est la carte d'électeur. Peu de gens s'en servent, ou à moins dans les élections présidentielles où on voit qu'il y a une participation de 80%, mais sinon dans les élections intermédiaires, les gens n'utilisent pas ce droit qui est un droit constitutionnel et un droit d'alternance. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content de quelque chose, on peut utiliser la carte d'électeur. Aujourd'hui, ces politiciens qu'on a aujourd'hui qui sont au deuxième tour, c'est des politiciens qu'on mérite, parce que ils sont pas venus là par hasard, c'est par des bulletins de vote, par une majorité de Français qui sont là. Donc, c'est un constat et c'est un cause à effet. On voit les faits, il faut comprendre les causes. Vous parlez de commerce international, la Farge ou X. Aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines de grandes entreprises qui sont mouillées dans des magouilles, j'allais dire, internationales. Personne ne fait état de ça. Et quand on relève une affaire, ça fait un boom. Quand vous savez que le CAC 40, les 40 entreprises françaises qui sont cotées à la bourse, aujourd'hui, ont fait un bénéfice de dividendes de restitution aux actionnaires de plus de 40 milliards. 40 milliards d'euros, c'est quand même une somme extraordinaire. Et quand on veut parler, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas touché, c'est la taxe carbone, qui aujourd'hui devient quelque chose... où les États civilisés, les États développés pratiquent cette taxe carbone. Alors que pendant des années, ils ont spolié les pays africains, ils les ont dénigrés, ils les ont pris. Et aujourd'hui, quand un pays africain ou un pays en émergence, je vais prendre de l'Inde par exemple, qui était sous-développé il y a 20 ans, aujourd'hui on veut lui pratiquer une double taxe carbone. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour se mettre à niveau, par exemple pour, comme aux États-Unis ou l'Europe, on veut lui pratiquer une multiplication de sa taxe carbone. Ce n'est pas juste. Le commerce international, c'est quoi ? C'est est-ce que la politique régit l'économie ou est-ce que l'économie régit la politique ? C'est ça la question. Et aujourd'hui, on se rend compte tous ensemble. Moi, j'ai un héritage à laisser à mes enfants. C'est la vérité. C'est aujourd'hui ces entreprises qui dirigent le monde, parce que ce n'est pas les politiques. Les politiques, vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, où ça a été répété, ils sont installés là par des lobbies, par des grosses entreprises, par des grosses banques. Et aujourd'hui, cette économie et que nous allons laisser en héritage à nos enfants, c'est laquelle ? Est-ce que c'est une économie de répartition ? Ou c'est une économie de dévaluation, c'est-à-dire d'évaluer l'être humain en lui-même. Vous regardez aujourd'hui les chaînes automobiles à Flins, à Poissy, qui est Peugeot, Renault. Il y a 30 ans, c'était des salariés qui faisaient ça. Aujourd'hui, vous avez que des robots et vous avez un salarié qui vient contrôler le robot pour le mettre en auto et en arrêt. Quand vous regardez aujourd'hui les bus, vous avez ici, d'ici 2022, vous allez avoir des trams entières de métro qui seront... Et c'est déjà commencé par la ligne 14. Il n'y aura plus de chauffeurs, il n'y aura plus de conducteurs. Ça sera électroniquement. Et vous allez, et dans 30 ans, ça sera des bus. Donc l'être humain, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est un souci ? Eh bien aujourd'hui, c'est devenu un souci. L'être humain est devenu un souci. Et donc il faut utiliser cette analyse et à l'approfondir pour savoir exactement aujourd'hui, est-ce que cette fille aujourd'hui, comme monsieur a dit, la majorité des jeunes de 15 à 25 ans ont voté Macron ? Parce que Macron, il dit quelque chose, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est qu'il dit une chose, moi je ne suis pas d'accord, mais un enfant qui commence à travailler, s'il travaille au McDonald's, à tremplin, et qui va chez Danone, et que demain ou après-demain il a un emploi, c'est peut-être possible, c'est la réalité. C'est aujourd'hui, c'est une stricte, malheureuse réalité. Et bien, aujourd'hui, il y a des certaines personnes, et peut-être certains d'entre nous, qui attendent simplement qu'ils veulent le CDI, un contrat de durée, à durée indéterminée. Eh bien, c'est très très rare. Et donc, il faut essayer de trouver des tremplins pour nos enfants, pour essayer de demain d'être une richesse pour ce pays, au lieu qu'il soit un souci. Et tant qu'aujourd'hui, on est analysé, on est... Monsieur a dit tout à l'heure quelque chose d'exact. Nos données sont données, sont vendues. Quand vous allez sur Amazon, sur Google ou Wix, vos données sont monnayées. Pourquoi ils sont monnayés ? Pour savoir qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous achetez, quelles sont vos consommations de vie, quelle est votre dérive, quels sont vos freins. Est-ce que vous pensez, et tout ça c'est quelque chose qui sert aux gens. Les gens aujourd'hui se trompent, mais vous avez des centres d'attaque qui s'ouvrent partout. À Ceris, Marne-Nord et tout ça, vous avez des où il y a des gros logiciels qui sont là simplement pour analyser votre comportement, vos motivations et vos freins. Donc si on veut analyser cette mondialisation globale, eh ben, on est dans un ensemble. Et on est des éléments. Eh bien, il vaut mieux être dans l'ensemble que d'être à l'extérieur de l'ensemble, parce que l'un de ces quatre, on va essayer de se retrouver pour essayer d'en parler, et on sera exclu de cet ensemble. Il vaut mieux comprendre le système, je ne dis pas d'y adhérer, mais essayer de bien le comprendre. Merci beaucoup. Ouais, vous avez précisé votre question. Oui, bien sûr, allez-y. Après, il y aura quelqu'un d'autre qui voudra vous répondre. Au niveau des agriculteurs, tout le monde, pas tout le monde sait, moi j'ai écouté les infos, on le dit pas beaucoup, hein, surtout sur les infos sur internet, dit qu'il y a 800, entre 800 et 1000 agriculteurs par an, ils se suicident en France. Je sais pas si quelqu'un peut voilà, me dire que je dis n'importe quoi, mais je pense qu'il y a quand même, hein, beaucoup de fermiers, beaucoup d'agriculteurs qui se suicident. Et ma question, il vient là, hein. D'où ce mal, enfin, vient, c'est ça, pourquoi ces agriculteurs se suicident en France? Est-ce que la réponse c'est l'Europe? Ou les négociations de traité, ou c'est pas moi, je pense que Ségolène Royal, elle est en train de dire n'importe quoi pour répondre à cette question, donc j'attends aussi la réponse de vous. Deuxième chose, sur la taxe carbone, je pense que c'était un fiasco, non? C'est un fiasco. Donc ça n'a pas marché, et du coup, c'est quoi les conséquences sur les Français? Non, ça n'a pas marché, parce que ça, je pense que le projet a été stoppé. On parle de, je sais pas, peut-être un peu je confonds les sujets, mais je parle de camions, là, la taxe sur les camions qui rentrent par rapport aux frontières de la France. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la même chose. Voilà. Donc bon, je garde juste la première question. Bon, d'où vient le malaise des agriculteurs? Pourquoi il y a 800 agriculteurs qui se suicident chaque année? Voilà. Et je veux une réponse. Au moins là, c'est demandé clairement. Donc c'était là-dessus ou pas? C'est pas là-dessus. Mais c'était sur le prix des tomates, c'est ça? Est-ce que bon, voilà, vas-y, tu peux répondre. Donc la vraie question était sur comment on arrive à avoir 2 kilos de tomates à 1 euro avec des tomates qui viennent d'Espagne. Alors en fait, c'est une pratique agricole sous serre, comme je l'avais dit, qui consiste à d'abord installer en plein champ, en pleine terre, d'immenses serres, sous ces serres, donc plus personne voit ce qui se passe. Le sol en fait est littéralement lessivé, stérilisé, afin d'obtenir un substrat neutre. Sur ce substrat neutre, ils vont semer des tomates, généralement transgéniques, très souvent label Monsanto, pour obtenir des rendements maximum. Et alors qu'on a l'impression qu'elle pousse sur la terre, c'est un substrat qui est suralimenté en oligo-éléments, en sels minéraux et en engrais pour obtenir la pousse la plus rapide possible avec le plus haut de rendement de production possible. C'est littéralement des tomates qui sont cultivées hors sol, mais sur une terre neutre. Et ils obtiennent des rendements qui sont énormes et ils cueillent les tomates bien avant maturité et les font mûrir sous des atmosphères contrôlées à l'azote pour obtenir en température pour obtenir une maturation de surface optimale. Et après, elles peuvent se conserver pendant plusieurs semaines parce que avant de les commercialiser, elles passent dans un bain de nano-argent. C'est-à-dire qu'elles sont couvertes, le nano-argent est une toute petite molécule, c'est un peu plus petit que la taille d'un virus, et ça permet c'est antiseptique. Ça va empêcher les moisissures, ça va stopper les développements bactériens, ça va empêcher le développement des odeurs, ce qui fait que ils vont pouvoir stocker des grandes quantités de tomates qui vont faire mûrir sous atmosphère contrôlée et les vendre au fur et à mesure des besoins du marché. Et accessoirement, il n'y a plus rien de naturel dans un tel produit. Attention. Bah, je pense que le suicide des agriculteurs est un peu lié à ça déjà, forcément. Compléter la réponse de monsieur vous avez une réponse précise, concise, et c'est ça qui est extraordinaire. Il faut savoir, moi je me suis déplacé à Almeria, j'ai vu sur 200, 300, 400 hectares de serres, vous avez une population qu'on fait ramener du Maroc, d'origine sans papier, pour redire la réalité, qu'on paye à 3 euros de l'heure. Donc si vous achetez 2 kilos de tomates pour 1 euro, derrière il y a des immigrés sans papier qui sont acceptés, hein, c'est une hypocrisie incroyable, qui sont acceptés par l'État, qui sont logés dans des conditions que vous ne pouvez même pas vous imaginer, et qui travaillent, pas avec des machines, mais qui travaillent avec le dos. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont un panier, et sur le dos, et ils cueillent les tomates. Donc c'est quand vous les payez 1 euro, il faut savoir qu'il y a de la misère derrière qui est exploitée, qui est reconnue et qui est acceptée. Et vous dites que les exploitations agricoles, vous savez qu'il y a 200 exploitations agricoles qui ferment tous les jours en France. Ça ferme tous les jours 200 exploitations agricoles. Donc il faut être réaliste, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture en France, elle se porte malheureusement pas bien. Parce que vous avez des grands groupes, ça a été dit par monsieur Monsanto, qui impose son engrais, qui impose les dates de récolte, qui impose tout ça. Et vous avez, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de friches en France. Pardon, il n'y a plus beaucoup de jachères, je veux dire. Mais de la friche, il y en a à gogo. C'est-à-dire qu'on exploite la terre au maximum, jusqu'au jour où elle ne donne plus rien. Et vous savez, quand elle ne donne plus rien, ben, on construit dessus des grands bâtiments logistiques pour stocker la marchandise qui vient malheureusement d'Espagne ou d'Afrique ou autre chose qui est moins chère. Où on construit des énormes centres commerciaux comme Europa City dans la banlieue nord de Paris. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un est capable de répondre à monsieur pourquoi les agriculteurs se suicident? Toi, tu veux réagir à ça? Il y en a trois qui veulent réagir. Je laisse la parole, tu prends après. Oui, à propos des agriculteurs, c'est pas compliqué. C'est depuis qu'il y a l'Europe, à peu près, on finance, dans une certaine limite, on a commencé à financer les agriculteurs pour qu'ils produisent de plus en plus. Par exemple, les vaches qui produisaient 15-20 litres de lait en moyenne. On a arrivé aujourd'hui à 100 litres par vache et par jour. C'est seulement pour arriver à ça, il faut beaucoup de machines. Il faut les tracteurs pour cultiver les aliments pour les vaches. Il faut les salles de traite. Il faut des usines à vaches, comme on dit aujourd'hui. Et donc les paysans sont amenés à s'endetter pour faire ça. Et comme une fois que qu'ils ont commencé à être rentables, l'Europe a dit ah non, il y a trop de lait en Europe. On n'arrive plus à le stocker. On ne sait plus quoi en faire. Il faut arrêter de produire. Alors tous les agriculteurs se sont retrouvés avec des tonnes et des tonnes de lait qui ne savaient pas quoi en faire. Je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'était il y a une vingtaine d'années à peu près, qui jetaient le lait sur les routes hein, ou dans les préfectures. C'est vraiment. Et pour un agriculteur, jeter son lait, c'est pire que suicider à la limite. Alors les banques leur ont dit, mais c'est pas grave, c'est parce que vous avez, votre exploitation est trop petite. Alors il faut l'agrandir. Mais pour l'agrandir, il faut emprunter. Et une fois qu'elle est plus grande, alors il faut un plus gros tracteur, il faut une plus grosse étable, etc. Et les agriculteurs ont continué à s'endetter jusqu'à aujourd'hui, qui sont, disons le chiffre que vous donnez de 800 suicides par an, c'était il y a 2-3 ans, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc il y a de moins en moins de suicides. Cette année, c'est dans les 200-250 par an. Mais parce que c'est leur exploitation qu'ils ont hérité des parents, des grands-parents, qui a toujours été viable, dire qui faisait partie du paysage, de la culture, d'une région. À un certain moment, l'agriculteur qui a tout le poids de ce passé, de cette transmission de connaissances de la terre, de l'environnement, de la terre, etc., il se retrouve complètement dépassé, couvert de dettes. Et il sait plus quoi faire, il sait qu'il peut plus s'en sortir, c'est pas possible. Parce que les fameuses aides de l'Europe, ça va aux gros agriculteurs, pas les petits. Donc à certains moments, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de se suicider pour plus avoir de dettes. Ils vendent, sa terre sera vendue, et sa famille, les exploitants, etc., vont se retrouver au chômage, au RSA. Et c'est un truc qui se produit dans plein d'agglomérations, enfin de campagnes, on va dire. Et il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide. Celui qui crève, il crève. Et le plus gros propriétaire terrien en France, c'est pas un grand financier, c'est le Crédit Agricole. Parce que chaque fois que quelqu'un ne peut pas payer ses dettes, c'est lui qui récupère la terre. La terre, la ferme, les outils, etc. Et c'est un truc complètement débile, même économiquement, c'est complètement débile. Parce que c'est une perte pour tout le monde. Mais ça marche comme ça. Et l'Europe continue à dire une année, il dira, il faut produire plus, une année, il faut dire, produire moins. Mais les vaches, une fois qu'on les a, elles produisent toujours pareil. On peut pas, c'est pas un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. Hein. Et c'est ça que dans les technocrates européens ne comprendront jamais. Et c'est pour ça que je répète, les décisions doivent être prises par les gens qui bossent, pas par les fonctionnaires. C'est le monsieur, il disait tout à l'heure pourquoi il y a 800 000 personnes ou je sais pas 200 000 personnes qui se... 800 000 800. Ok, pourquoi il y a 800 personnes qui se suicident en tant qu'agriculteur? On dit que c'est un métier compliqué. Le monsieur tout à l'heure, il était en train de proposer une idée et il expliquait quel était le métier. Il y a la Poste aussi, il y a énormément de personnes qui se suicident. Il y a Air France, les agriculteurs, c'est une branche importante dans France, c'est eux qui nous nourrissent quelque part. Et ça, c'est des grosses sociétés, sauf les agriculteurs, c'est un métier de fait main, on va dire, mais. Et quand nous, parce que nous, quand je dis nous, je me mets dedans les salariés des boîtes Leclerc, Carrefour, une entreprise Gosport, j'en sais rien. On fait énormément de choses pour ces personnes. On leur dit vous suicidez, vous en faites pas, on prend en compte. Alors j'ai pas la raison du suicide, hein, j'en sais rien du tout, mais j'imagine que, bon, malheureusement, ils se suicident, hein, ça doit être trop difficile. Mais toutes les autres personnes, alors eux, on leur apporte des réponses concrètes, hein, comme dit Monsieur Macron ou Madame Le Pen ou toutes les autres personnes qui se sont présentées, on se déplace, on va à leur rencontre. Le ministre à l'époque, avant que les élections commencent, le ministre de l'Agriculture s'est déplacé, leur a proposé des choses concrètes. Ça a fait tout un tintamarre sur BFM TV, sur LCI, etc. Moi, personnellement, je m'y retrouve pas. Enfin, je suis chômeur, hein, j'ai pas d'emploi, je m'y retrouve pas du tout. On leur propose des choses, on leur propose le commerce international, justement. On leur propose de travailler à l'international, de proposer nos bêtes, parce que quelque part, on les mange. Pour les sociétés de la Poste, etc., c'est la même chose. C'est des entreprises étatiques. Qui dit étatique dit un certain confort, j'imagine, et certaines lois qui leur sont... Enfin, il y a des lois qui sont mises en place qui font que ils ont un bien-être dans leur travail. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Donc là aussi, il y a des suicides, il y a ce genre de choses. France Télécom, ça fait tout un tintamarre, et ce qui est pas assez normal. Et on ne dit pas pourquoi c'est difficile. En tout cas, ça fait beaucoup de bruit dès que ça arrive, mais les mesures qui sont mises en place sont tout aussi importantes. Et par contre, les raisons, on les connaît jamais. Pour vous rejoindre là-dessus. Et toutes les autres personnes comme moi qui travaillent, qui sont salariés d'entreprises comme GoSport ou autres, on leur propose une petite majoration ou une défiscalisation de je sais pas combien de pourcentage sur leur fiche de paye pour les entreprises qui devront ensuite nous augmenter de quelques euros. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne. Quand on regarde les politiques à la télé, dès qu'il s'agit de donc à peu près 60 à 70% des personnes actives en France, il n'y a plus personne. On regarde les politiques dans les yeux et dès qu'il s'agit de ce type de sujet, il n'y a plus personne. Le commerce international n'est plus international, alors que GoSport n'est pas une entreprise, quoique peut-être c'est une entreprise française. Mais en tout cas, il y a plein d'autres entreprises, rien qu'ici à la place de la République, pour lesquelles la majeure partie des personnes travaillent, qui ne sont pas des entreprises françaises, à qui on a autorisé de travailler en France, et qui font partie des mêmes lois, parce qu'elles devront payer, etc. Et donc nous, en tant que salariés, c'est la même chose, on a envie de s'y retrouver à ce moment-là, mais il n'y a plus personne. Alors peut-être qu'ils comptent à ce moment-là sur de faire des conflits, j'en sais rien, dans le monde ou autre, ils ont peut-être d'autres choses à faire, mais moi c'est à ce moment-là, personnellement, où je ne m'y retrouve pas, au niveau international. C'est là où je me pose des questions et je me dis, qu'est-ce que fait le facteur X, d'où tout ça peut provenir? Pourquoi nous, on nous écoute pas plus que les autres? Pourquoi... Enfin, etc., etc. Voilà, tu veux interagir? Tiens. En fait, t'es en train de répondre toi-même à la question que tu faisais il y a à peu près une heure sur quels sont le lien entre le commerce international et la société. Et là, tu viens d'en décrire un, c'est des suicides. On sait hein, pourquoi les gens se suicident. On sait, France Télécom, c'est les conditions de travail. Il y a alors c'est pas le PDG, mais le directeur des ressources humaines qui est en procès dans, je sais pas si ça a eu lieu ou si ça va avoir lieu, dans très peu de temps. À La Poste, on sait aussi pourquoi. C'est des dégradations des conditions de travail également. Les agriculteurs, même si c'est un métier spécifique, c'est aussi la dégradation de leur métier. Et on l'a expliqué notamment à l'industrialisation de l'agriculture et on leur demande de produire de plus en plus, donc avec des outils qui coûtent de plus en plus cher, des bêtes et tous les problèmes de concurrence, de rentabilité, etc.